La nouvelle est tombée au cœur de la torpeur estivale haussienne, le 12 août, sur le site de Preprint Archive. Vous vous souvenez de la découverte que je vous ai rapportée le 26 février dernier, l'observation d'une raie inconnue à 3,5 keV en provenance du centre de la galaxie d'Andromède et de nombreux autres amas de galaxies, là où la concentration de matière noire serait la plus importante. Eh bien, l'une des équipes à l'origine de ces observations s'est penchée sur des données d'observation de notre propre galaxie, la Voie lactée, à la recherche d'une présence éventuelle de ces photons de 3,5 keV mystérieux. Alexei Boyarsky de l'université de Leiden et ses collègues ukrainiens et suisses ont exploré les données engrangées par le satellite XMM Newton vers le centre galactique. Et la nouvelle est très intéressante puisqu'il trouve à nouveau la présence de rayons X ayant une énergie de 3,54 keV exactement. Nous aurions donc des photons de 3,54 keV inconnus provenant du centre de la galaxie d'Andromède, de l'amas de Persée, de 73 autres amas de galaxies et maintenant de notre propre galaxie. Pourquoi ces photons de 3,54 keV sont-ils si intrigants? Parce qu'ils ne correspondent à rien de connu. Il existe bien des transitions atomiques de l'argon et du potassium qui se trouvent à proximité dans le spectre, mais pas tout à fait au même endroit, même lorsque sont pris en compte tous les effets de décalage spectral et autres élargissements spectrales. Et ces photons semblent provenir uniquement de zones où devrait se concentrer la matière noire, les centres galactiques et les centres des amas de galaxies, avec une répartition compatible avec celle de la matière noire modélisée. La seule solution plausible à ce jour pour cette source est une désintégration de particules légères de matière noire de type neutrino stérile. Les neutrinos stériles seraient une nouvelle forme de neutrino beaucoup plus massif que les trois neutrinos que nous connaissons. Le neutrino stérile est qualifié de cette manière car il ne produit aucune interaction avec la matière ordinaire. Il n'est sensible qu'à la gravitation. Et les théories décrivant les neutrinos stériles indiquent qu'un tel neutrino peut être instable avec une très longue durée de vie et se désintègre en deux particules emportant chacune la moitié de l'énergie de masse du neutrino stérile. Un neutrino normal et un photon. Et c'est ce photon de désintégration qui serait observé à 3,54 keV. Le neutrino stérile aurait alors une masse double, donc de 7,08 keV. Cependant, Boyarsky et al. Se veulent prudents et n'osent pas parler de découverte. Faut dire que l'analyse des données des satellites XMM Newton et Chandra dans ces régions galactiques est délicate. Le signal est très faible. Il faudra encore d'autres observations pour rendre ces résultats plus robustes. Ce qui devrait pouvoir être effectué l'année prochaine avec le lancement d'un nouveau télescope X prometteur.